إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc la semaine passée on avait lu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la personne lorsqu'elle meurt et comment les anges viennent et elles arrachent son âme, soit qu'il est croyant ou soit qu'il est mécréant. Il y a les anges de la miséricorde qui viennent prendre l'âme du croyant et l'ange du châtiment, les anges du châtiment qui viennent prendre l'âme du non-croyant. Puis on a expliqué ça en détail après avoir terminé de lire le hadith. Et là on était arrivé à un endroit où le cheikh mentionne une citation de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya, sauf que qu'on va même pas la lire cette citation de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya, on va juste résumer qu'est-ce que ça signifie, puisque il fait juste expliquer une question, puis je vais juste vous résumer un petit peu c'est quoi. C'est que l'imam Ibn al-Qayyim, il dit qu'il y a des différents niveaux des âmes dans Al-Barzakh. C'est-à-dire, Al-Barzakh, c'est quoi? On va en parler bientôt. Mais c'est que c'est une étape entre la vie, entre ce monde et l'au-delà. C'est une étape entre ces deux-là. C'est qu'après notre mort, on est dans cette étape qu'on appelle Barzakh. Okay. Puis les âmes dans le Barzakh, okay, ils sont à des degrés différents selon leur niveau de foi. Bon, les plus hauts sont il dit les chers qu'elles sont à des niveaux très élevés, tandis qu'il y en a d'autres qui sont à des niveaux plus bas. Puis il y en a d'autres parmi les âmes qui sont dans des oiseaux verts et qui volent dans le paradis, ça c'est les âmes des martyrs, mais c'est pas tous les âmes des martyrs qui rentrent dans les oiseaux, dans le paradis. Certains sont à la porte du paradis, si par exemple ils ont des dettes ou des trucs comme ça, puis ils sont morts en djihad, mais ils avaient encore des dettes, ils rentrent pas dans le paradis tant que la dette n'est pas réglée. D'accord. Et puis, donc, il y en a qui rentrent dans le paradis, il y en a qui ne rentrent pas, il y en a qui attendent. Et puis, il y en a d'autres âmes, elles restent au niveau de la terre, elles ne vont pas plus haut, parce que c'est des âmes attachées à la dunya, attachées au bas monde, et donc, elles restent à un niveau plus bas. Et puis, tout ça, c'est pour nous faire comprendre que notre âme, plus elle est élevée, et plus elle est attachée à Allah et à l'adoration et à toutes ces choses-là, plus elle est haute, puis moins elle a une affection, un amour pour l'adoration, puis le rapprochement à Allah, bien, plus elle est basse. Non. Parce que l'âme avec un corps? Non, l'âme, juste l'âme, sans le corps. Sans le corps. Donc c'est ça. Mais après, qu'est-ce qu'il nous donne comme explication aussi? Il dit que tout ça s'est expliqué par des hadiths authentiques. Puis, tout ça s'est vérifié. Puis, y a différents types d'âmes. Il y en a qui sont retenues, il y en a qui sont lâches, qui sont libres. Il y en a qui sont malades. Il y a des âmes malades, il y a des âmes qui sont en bon état, en bonne santé. Il y en a qui souffrent, il y en a qui jouissent du plaisir, de différents plaisirs. Etc. Donc de ce genre de choses-là qu'il mentionne, le cheikh. Ok, puis là on arrive au point où le cheikh dit « هل الروح والنفس شيء واحد أو شيئان متغيران » Est-ce que l'âme et est-ce que le roh et le nafs sont deux choses différentes ou sont la même chose? Je pense que très mal posé la question la semaine passée. Enfin, il y a des gens qui demandaient la question, est-ce que l'âme et le, parce que en arabe, il y a deux mots qu'on utilise parfois pour la même chose, c'est-à-dire ar-ruh et an-nafs. Ok? Donc là, qu'est-ce que le cheikh va faire? Il va expliquer, est-ce qu'il y a des différences entre ces deux mots-là? Ou est-ce que ça veut dire la même chose? Donc il dit, اختلف الناس في ذلك. فمن قائل انهما شيء واحد وهم الجمهور وقال ومن قائل انهما متغيران والتحقيق ان لفظ الروح والنفس يعبر بهما عن عده معان فيتحد مدلولها تاره ويختلف اخرى. Donc le cheikh qu'est-ce qu'il explique, il dit que les gens sont en différence d'opinion au sujet de la question de l'âme. On avait fait la dernière fois كيفية تقبل الروح الموتى حقيقة الروح. La dernière fois? Non. Qu'est-ce que j'expliquais au reste de ça? Quand le chef de l'islam nous réunit, après il y a les paroles de l'imam, nous payons, on a sauté ça, puis là on arrive ici. Alors, il tourne la page encore. Et qui tourne encore. Et c'est quoi? Avant. Ok, c'est juste avant. C'est juste avant ça. Regarde, c'est la même version, mais c'est juste que ils sont pas divisés, c'est pas la même édition. Regarde Mukhtar, regarde ici. Ça c'est Mukhtar Kabar, et juste là, ça commence en bas. La fin de la citation de Ibn Qayyim, après tout de suite ça commence. Ok, ça c'est un autre, c'est ici. Okay, إلى أن قال اختلف الناس في ذلك okay. نعم donc le cheikh il dit que les gens ont des divergences en ce qui concerne est-ce que le fait que est-ce que Ar-Ruh et An-Nafs c'est la même chose ou non. Parmi des gens il y en a qui disent que ils sont une seule et même chose, ils disent que c'est la majorité. La majorité des savants disent que ce sont la même chose. Et parmi les savants, il y en a d'autres qui disent non, ce sont deux choses séparées, deux choses différentes. Et le cheikh il dit, mais après vérification, il devient clair que comme le mot ruh et le mot naf, on peut les utiliser pour différentes significations. Donc, dans certains contextes, la signification va être la même, dans certains contextes, et dans d'autres contextes, la signification va être différente. Et donc, le cheikh, il va donner les exemples maintenant. Il dit par exemple, فالنفس تطلق على أمور منها الروح يقال خرجت نفسه أي روحه ومنه قوله تعالى أخرجوا أنفسكم ومنها الذات يقال رأيت زيدا نفسه وعينه رأيت زيدا نفسه وعينه ومنه قوله تعالى فسلموا على أنفسكم ومنها الدم يقال سالت نفسه ومنه قول الفقهاء ما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة ومنه يقال نفثت المرأة إذا حاضت ونفثت إذا نفسها ولدها ومنه قيل النفساء. Donc, le cheikh il dit que Ar-Ruh, il a trois différentes significations dans la langue arabe. D'accord? La première signification, c'est l'âme, Ar-Ruh. Une des significations de Ar-Ruh, c'est l'âme. Comme par exemple, lorsqu'on dit Kharajat Nafsu, c'est-à-dire son âme est sortie. Son acte est sorti, mais son âme est sortie. C'est-à-dire son ruh. Et l'exemple qu'il donne, c'est dans Surat Al-An'am, verset 93. Akhriju anfusakum. Laissez sortir vos âmes. Ok? C'est un verset dans Surat Al-An'am. Et un autre exemple de la signification de ar-ruh. Pardon. Non, c'est ça. فالنفس تطلق على ثلاثة أمور. Oui, c'est ça. Donc, le mot neuf, il a trois significations. Merci. La première signification du mot neuf, c'est l'âme, Ar-Ruh. Donc, comme quand on dit, kharajat nafsu, c'est-à-dire son âme est sortie. C'est-à-dire son ruh est sorti. Je peux dire son neuf est sorti pour, en voulant dire son âme. Akhriju anfusakum, c'est-à-dire sortez, hein, laissez sortir vos âmes. Là, ça fait plus de sens. Et la deuxième signification du mot naf, c'est azat. Azat. Qu'est-ce que ça veut dire? Azat, ça veut dire son l'être. L'être humain en entier. Son corps et son âme. Comme par exemple, il dit le chef, yuqal, ra'aytu zaydan, nafsahu wa aynahu. J'ai vu zayd. Son naf, ça veut dire lui-même, son être au complet. نفسه وعينه لي يعني عينه لديه سلامة سنتكاتيو ومنه قوله تعالى فسلموا على أنفسكم أدرسيهو دي سالتاتيو مثل عندر فو donc ça c'est une des significations du mot nafs, c'est-à-dire ton être. Donc ça c'est différent que là, ça veut pas dire la même chose que ruh, dans ce sens-là. Ou une autre signification du mot neuf, c'est le sang. On appelle en arabe le sang neuf. Le chef, il donne un exemple. Yuqal salat nafsu. Wa minhu, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salat nafsu. Wa minhu qawl al-fuqaha. وعليكم السلام ورحمة الله ما ليس له نفس سائلة. Donc lorsqu'on dit par exemple son âme son sang a coulé, son sang a coulé, et c'est de là que la parole des fuqaha dans le livre de fiqh, quand on lit le livre de fiqh, tu vois que c'est écrit ce qui n'a pas de sang qui coule. Comme par exemple il y a certains insectes, si tu les écrases il n'y a aucun sang qui va couler, comme par exemple une fourmi. Donc, il donne ces exemples-là pour dire que si cet insecte-là est mort dans l'eau ou dans quelque chose de ce genre, il ne rend pas cette eau-là impure. D'accord? Donc, c'est ça l'exemple. Après, le chef il dit, وَمِنْهُ يُقَالْ نَفَسَةِ الْمَرْأَ. C'est de ce sens-là qu'on dit نَفَسَةِ الْمَرْأَ إِذَا حَضَتْ. Lorsque la femme a ses règles, on dit qu'elle est نَفَسَة. Hein, nafas. On dit nafasat al-mar'a, c'est-à-dire elle a saigné, elle a eu ses règles. Wa nafasat idha nafasaha waladuha. Lorsque son enfant est sorti, quand elle a accouché, elle est pendant 40 jours, ça peut dépendre d'une femme à l'autre, mais elle reste dans un état d'impureté qu'on appelle nifas. Accoucher, oui, pendant. Wa alaykum salam, c'est pas nécessairement 40 jours. Ouais, tant que, ouais, elle trie pas et je ne vois pas dans ce temps-là. Oui. Donc, Moufata, à cause du sang qui sort d'elle, dans cette période-là. Donc, c'est de là que ça vient, le mot naf. Ça, c'est une autre signification du mot naf. Donc, ça, c'est les trois significations du mot naf. pour revenir au sujet, les femmes qui accouchent, qui ont, après l'accouchement, les appellent comment? Mufassar. À cause de ce mot-là, ça vient du sang. Donc, il y a trois significations pour le mot nafs. Le premier, c'est arroh. Le deuxième, c'est azar. Et le troisième, c'est addam. Donc, c'est les trois significations du mot nafs. Et le cheikh, il mentionne par la suite les paroles de l'imam ibn Taymiyyah. Il dit, قال شيخ الإسلام ابن تيمية يقال النفوس ثلاثة أنواع وهي الأول النفس الأمارة بالسوء التي يغلب عليها اتباع هواها بفعل الذنوب والمعاصي الثاني النفس اللوامة donc on va expliquer la première sorte de nafs il y a trois sortes de nafs la première c'est un nafs qui t'ordonne à faire le mal. Ça, c'est la première forme d'âme. Ça, c'est tiré d'un verset dans le Coran. Inna an-nafs la'ammaratun bis-su' illa man rahima rabbi, dans Sourate Yusuf. Donc, il dit le chef que c'est l'âme qui prend le dessus et qui se force à suivre ses passions et à faire les péchés et les désobéissances. D'accord? Le deuxième âme, ou le deuxième nafs, c'est al-lawwama. Wa hiya allati tudhnibu wa tatub. Fa hiya khayrun wa sharr. Walakin idha fa'alat ash-sharr tabat wa anabat. Fa tusamma lawwama. Li'annaha talumu sahibuha 'ala adh-dhunub. Wa la tatalawwam. Ay tataraddad bayna al-khayr wa ash-sharr. Donc, le chef, il dit que la deuxième âme, c'est l'âme qui a toujours les remords et les regrets. Al-lawwama. Et c'est l'âme que lorsque tu fais des péchés, elle te fait repentir. Elle te fait repentir. Donc, tu pèches et tu fais le péché et tu te repens. Donc, elle a du bien et elle a du mal. Parce qu'elle te fait pécher et elle te fait avoir le regret par la suite. Après, la troisième âme, c'est al-nafs al-mutma'inna. Hein, l'âme qui est en état de grâce, en état de paix, en état de tranquillité ou sérénité. وهي التي تحب الخير والحسنات وتبغض الشر والسيئات وقد صار ذلك لها خلقا وعادة. Donc le chef il dit que cette âme-là c'est celle qui aime le bien, qui aime les bonnes œuvres et qui déteste le mal et les mauvaises actions. Et ça c'est devenu en elle une caractéristique, un comportement, puis une habitude. Ça fait partie d'elle, cette âme-là. C'est lorsque la personne s'est forcée à s'éloigner du haram et à faire ce que Allah SWT lui ordonne de faire, jusqu'à ce qu'il commence à aimer tout ce que Allah SWT aime et qu'il déteste tout ce que Allah SWT déteste. Donc ça, c'est le troisième niveau. Ou la troisième catégorie d'âme, ou de nafs, et le cheikh il dit après, وَهَذِهِ صِفَاتٌ وَأَحْوَالٌ لِذَاتٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ النَّفْسَ الَّتِي لِكُلِّ إِنْسَانٍ هِيَ نَفْسٌ وَاحِدَةٌ Donc le cheikh il dit ça, c'est des caractéristiques d'une seule et même âme, c'est-à-dire pour la même âme, mais elle passe à travers ces états-là, selon l'état dans lequel elle se trouve, yani. D'accord. Donc avant le péché, la personne qui se laisse pousser par le péché, elle se laisse pousser par son âme qui l'appelle au mal. Puis après avoir fait le péché, ben elle commence à avoir les remords. Donc elle devient la wama. Puis quand elle s'est repentie, puis elle fait des efforts vers le bien, qu'elle essaie de s'éloigner du mal, elle devient mutma'inna, devient en paix avec elle-même. Ensuite, le chef dit, والروح ايضا تطلق على معان. Maintenant, الروح. Parce qu'on essaie de comprendre maintenant la différence entre le mot nafs et le mot ruh. D'accord? Donc, maintenant, le chef dit, والروح ايضا تطلق على معان. Comme on a vu que un nafs, il a plusieurs significations. Maintenant, on va voir que الروح également aussi dans la langue arabe, il a différentes significations aussi. Le chef dit, القرآن الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله. Ça c'est une des significations. C'est-à-dire, une des significations du mot ruh, c'est Al-Qur'an. Allah SWT, il a appelé, dans le Qur'an, il a appelé son livre il l'a appelé Ruh, il a dit c'est un Ruh. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. C'est dans surat al-Shura, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et voilà comment nous t'avons révélé ou inspiré un âme de notre ordre, par notre ordre. Hein? Et ça c'est Al-Qur'an. Après il dit, وَعَلَى Jibril. C'est quand on utilise aussi Ar-Ruh pour parler de Jibril. Ar-Ruh Al-Qudus. C'est Jibril. L'âme saint, donc c'est l'âme, l'esprit saint qu'on appelle souvent, c'est Jibril. Après, le cheikh il dit, وَعَلَى الْوَحْيِ الَّذِي يُوحِيهِ إِلَىٰ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ. قال تعالى, يُلْقِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé sa révélation qu'il a envoyé à ses messagers, il l'a appelé un âme aussi, un ruh. Et le cheikh il dit, سمي روحا لما يحصل به من الحياة النافعة فإن الحياة بدونه لا تنفع صاحبها البتة وسميت الروح روحا لأن بها حياة البدن. Donc il explique pourquoi Allah a appelé sa révélation un roh, un âme. C'est parce que c'est par cette révélation là que tu peux réellement vivre une vie qui est bénéfique. Toute âme sans cette révélation, toute vie sans cette révélation-là ne serait pas bénéfique. Donc c'est pour ça qu'il l'a appelé un âme. Et lorsque la foi en Allah subhanahu wa ta'ala ou la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala commence à affecter ta vie, commence à influencer dans ta façon d'être, ta façon d'agir, ta façon de parler, ta façon de penser, et bien là c'est comme si cette foi-là puis cette compréhension-là te remet en vie, te donne la vraie vie. Hein? Et il y a beaucoup de versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il clarifie cette question-là. Il dit « فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً » par exemple, en parlant du mu'miné, ceux qui craignent Allah, et donc il parle en disant qu'il va leur faire vivre une bonne vie. « وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ » فَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Oui, celui qui se détourne de mon rappel, il aura une mauvaise vie. Ça, c'est un exemple. Que ceux qui se détournent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont une mauvaise vie. Et ceux qui ont une, ceux qui suivent la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les fait revivre par sa révélation. De la même façon qu'il fait revivre la terre quand il fait tomber la pluie, de la même façon qu'il fait revivre un être humain avec la révélation après qu'il était mort. Même si, il marche sur la terre, il parle, il bouge, mais en réalité c'est comme un mort vivant. Il est vivant, mais en réalité il est mort parce qu'il n'a pas de foi. Après le chef, il dit, toute la courroche, aïdan al hawa, al kharij min al badan, ou al hawa, al dafil fihi. Donc il dit qu'on parle aussi du roh comme un vent qui entre dans le corps ou qui sort du corps. وتطلق الروح على ما سبق بيانه وهو ما يحصل بتراكب الموت. Il dit comme ça a précédé, on parle de l'âme dans la langue arabe comme étant la chose que lorsqu'elle te quitte, elle sort de toi, eh bien tu meurs. C'est-à-dire l'âme. وهي بهذا الاعتبار ترادف النفس. C'est-à-dire dans ce sens-là, c'est un synonyme du mot nafs. Dans cette signification-là. Et le chef, il dit, وَيَتَّحِدُ مَدْلُولَهُمَا. Donc, dans ce sens-là, leur signification signifie, quand on parle de l'âme, il dit, وَيَفْتَرِقَانِ فِي أَنَّ النَّفْسَ تُطْلَقُ عَلَى الْبَدَنِ وَعَلَى الدَّمِ وَالرُّوحُ لَا تُطْلَقُ عَلَيْهِمَا. Donc, il dit, et leur signification se sépare du sens qu'on peut dire, on peut qualifier ou on peut parler du corps et du sang en utilisant le terme neuf, mais on ne peut pas l'utiliser dans ce sens-là, on ne peut pas utiliser le mot roh pour parler du sang ou du corps. Donc c'est ça la différence entre le mot neuf et le mot roh. Ils ont des significations qui, dans certains contextes, se rejoignent, et dans d'autres contextes, ils se séparent, ils n'ont pas la même signification. Ensuite, le chef, on rentre dans le troisième point de la question de l'Iman de l'Yawm al-Akhir. Le troisième point, c'est fitnatul qabr wa azabihi wa na'imihi. Donc, c'est-à-dire l'épreuve de la tombe, son châtiment et son délice. Donc, le chef il dit al-iman bil yawm al-akhir, يعني al-iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mimma yakunu ba'da al-maut. ومن ذلك الإيمان بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. الشيخ الزي لا فوا ان لودلا لا في après la mort, ça signifie de croire en tout ce que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم nous a enseigné, de croire de ce qu'il y aura après la mort. Ok, et parmi les choses qu'il y aura après la mort, c'est-à-dire l'épreuve de la tombe, que ce soit dans un châtiment ou une récompense ou des délices qu'on aura dans la tombe. Après le chef de Dieu, كذلك أن بين الموت الذي تنتهي به الحياة الأولى وبين البعث الذي تبتدي به الحياة الثانية وبعبارة أخرى بين القيامة الصغرى والقيامة الكبرى فتارة جاءت تسميتها في القرآن الكريم برزخا كما قال كما في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هي قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Donc le cheikh il dit que yani, le châtiment de la tombe, c'est quelque chose qui va se passer entre la mort et yani, la résurrection après la mort. Donc entre l'étape où on meurt et l'étape où on sera ressuscité, il y a cette période-là de temps que Allah subhanahu wa ta'ala qualifie dans le Coran comme étant, ou comment il l'appelle, barzakh. Il l'appelle barzakh. C'est ça qu'on a expliqué au début. Ok? Et puis, il dit dans un verset dans le Coran, dans Surat al-Mu'minun, verset 99 et 100, il dit, jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'entre eux, et ils disent, oh mon Seigneur, fais-moi revenir. Hein? Rabbi rji'un. لأني أعمل صالحا فيما تركت. Pour que je puisse faire quelque chose de bien, de bonnes œuvres, de ce que j'ai abandonné, ou de ce que j'ai négligé durant le temps que j'ai vécu sur la terre. Et Allah, il dit par la suite, كَلَّا. Il dit, certes, non. إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا. Il fait juste dire ça avec sa bouche en réalité. Hein, c'est pas vrai. Et entre eux et le jugement dernier, il y a une barrière. Il y a une barrière entre eux et le jugement dernier. C'est-à-dire, maintenant qu'ils sont morts, c'est fini, ils doivent attendre jusqu'au jugement dernier. Ils sont dans une barrière. Le chef dit, wal barrière, lughatan, al-hajj bayn al-shay'ain. Dans la langue arabe, le mot barrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire la barrière entre deux choses. La barrière entre deux choses. الشيخ يقول وفي هذا البرزخ نموذج من الجزاء الأخروي فهو أول منزل من منازل الآخرة ففيه سؤال الملكين ثم العذاب أو النعيم. Donc le chef il explique, il dit que البرزخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله. البرزخ c'est une série de récompenses qui arriveront dans l'au-delà, et c'est le premier endroit où on va descendre. Quand on parle de l'au-delà, c'est notre premier contact avec l'au-delà, c'est le barda. Hein? Et il y a également la question des deux anges, puis par la suite, soit une punition ou une récompense ou des délices qui nous attendent dans ce barda. Hein? Donc le chef il commence à expliquer la question des deux anges. Les deux anges qui viennent nous poser des questions. Moussa, on est qui? شيخ يسمى بفتنة القبر، وهي الامتحان والاختبار للميت حين يسأله الملكان. Donc, le chef il dit, on appelle cette fitna al-qabr, et il dit que c'est l'épreuve ou l'examen que les deux anges font passer aux morts dans sa tombe. Il dit, وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَحَادِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي هَذِهِ الْفِتْنَةِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنُ عَازِبٍ وَأَنَسِ بْنُ مَالِكٍ وَأَبِي هُرَيْرَةٍ وَغَيْرِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Et ça, il dit que ça a été rapporté par un très grand homme parmi les Sahaba, et parmi les rapporteurs de hadith, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit que yani, c'est rapporté par exemple dans le hadith de Al-Bara ibn Azim, qu'on a lu dernièrement, un autre hadith rapporté par Anas ibn Malik et Abu Huraira, radiallahu anhum. Et il dit, وَهِيَ عَمَّةٌ لِلْمُكَلِّفِينَ إِلَّا النَّبِيِّينَ فَقَدْ اخْتُلِفَ فِيهِمْ وكذلك اختلف في غير المكلفين كالصبيان والمجانين فقيل لا يفتنون لأن المحنة إنما تكون للمكلفين وقيل يفتنون. Donc le chef il dit que cette épreuve de la tombe elle est générale pour tous les gens qui sont mukallafin. Mukallaf c'est quoi? Personne qui est sous l'obligation de répondre à des l'obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il a atteint l'âge de la puberté, il a sa raison, et puis d'autres conditions de ce genre qui font qu'à partir de ce moment-là, il devient responsable de ses actes. Il a à rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier. Donc, le chef, il explique, et il dit, cette épreuve elle est générale pour tous ceux qui sont arriver à ce niveau-là où ils sont responsables de leurs actes parce qu'ils ont atteint la puberté et ils ont leur raison et tout, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une déficience intellectuelle qui les empêche de réfléchir et tout. Et après, il dit, mais il y a une différence d'opinion au sujet des prophètes, parce que eux, ils seront éprouvés dans leur tombe ou non, et également, il y a une différence d'opinion au sujet des enfants, hein, ceux qui n'ont pas atteint la puberté encore, puis ceux qui sont qui ne possèdent pas l'intellect, c'est-à-dire qui ne sont pas conscients, est-ce que eux aussi seront éprouvés dans leur tombe ou non? Donc un groupe en dit non, ils seront pas plus, ils sont pas éprouvés dans leur tombe, et l'autre groupe a dit oui, ils seront éprouvés quand même. Donc le chef il commence à expliquer maintenant la question de ceux qui ont dit qu'ils seront éprouvés et ceux qui ont dit le contraire, et c'est quoi leurs arguments respectifs. Donc il dit وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ إِنَّهُمْ يُسْأَلُونَ عَنْهُ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ أَنَّهُ يَشْرَعُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ وَالدُّعَاءُ لَهُمْ وَسُؤَالُ اللَّهِ أَنْ يُقِيهِمْ عَذَابَ الْقَبْرِ وَفِتْنَةُ الْقَبْرِ. وكما ذكر مالك في موطئه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة صبي فسمع من دعائه اللهم قيه عذاب القبر. Donc il dit l'argument de ceux qui disent qu'ils vont être questionnés dans la tombe, c'est-à-dire les enfants et les personnes qui n'ont pas leur conscience, ils seront questionnés. La preuve de leur preuve, c'est quoi? C'est que on a légiféré, ou on a rendu, on a fait que ça fait partie de l'islam de prier sur eux lorsqu'ils meurent, et de faire des du'a pour eux, et de demander à Allah SWT de les protéger du châtiment de la tombe et de l'épreuve de la tombe. Comme l'imam Malik a rapporté dans son livre Al-Muwatta, selon Abi Huraira, radiallahu anhu, lorsqu'il a prié la prière de janaza, la prière de funérailles sur un enfant qui était décédé, on a entendu dans son dua qu'il a dit « Oh Allah, protège-le du châtiment de la tombe ». Alors, ces gens-là ont pris ça comme un argument. « وَاحْتَجُوا بِمَا رَوَاهُ عَلِي إِبْنُ مَعْبَدُ عَنْ عَائِشَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ مر عليها بجنازة صبي صغير فبكت فقيل لها ما يبكيك يا أم المؤمنين فقالت هذا الصبي بكيت له شفقة عليه من ضمة القبر. Donc il se base également sur un autre hadith rapporté par Ali ibn Ma'bad selon Aïcha radiallahu anha qui a dit que on a passé près d'elle avec une janaza, d'un petit enfant, funérailles d'un petit enfant. Alors elle a pleuré. Alors on lui a demandé qu'est-ce que fait pleurer, ô mère des croyants. Elle a dit c'est un enfant et j'ai pleuré par affection pour lui à cause du fait qu'il sera écrasé dans sa tombe. Une des aspects du châtiment de la tombe. قالوا والله سبحانه يكمل لهم عقولهم ليعرف بذلك منزلتهم وليهملون الجواب ويهملون أو يلهمون الجواب عما يسألون عنه. قالوا وقد دل على ذلك الأحاديث الكثيرة التي فيها أنهم يمتحنون في الآخرة وحكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث فإذا امتحنوا في الآخرة لم يمتنع امتحانهم في القبور. Donc, parmi leurs arguments également, ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur compléter leurs raisons, même s'ils sont des enfants, ou même s'ils sont fous, ou sont pas, ils n'ont pas conscience. Ils disent que, parmi leurs arguments, ils disent que Allah va leur compléter leurs raisons, il va leur parfaire leurs raisons, pour qu'ils soient capables de comprendre et de voir leur niveau. Et on va leur inspirer une réponse aux questions qu'on va leur demander. Et ils ont dit, il y a beaucoup de hadiths qui prouvent qu'ils seront testés dans l'au-delà, comme ça a été dit par l'Ash'ari, il a dit ça, il a attribué à Ahl Sunnah wal Hadith cette position, et il a dit qu'ils seront, après il dit, et si on les questionné dans l'Akhira, c'est-à-dire qu'ils vont être testés dans l'au-delà, c'est-à-dire après la mort, et après le barzakh, et après la résurrection. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui empêche qu'ils soient également éprouvés dans leur tombe, incinérés. C'est la même chose. Et ça, on va voir en réalité qu'il n'y a aucune différence pour ces deux cas-là. Le cheikh dit « Wahtadja man qala innahum la yus'aloum » لأن السؤال إنما يكون لمن عقل الرسول والمرسل والمرسل عقل الرسول والمرسل فيسأل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيسأل هل آمن بالرسول وأطاعه أم لا فأما الطفل الذي لا تمييز له بوجه ما فكيف يقال له ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم ولو رد إليه عقله في القبر فإنه لا يسأل عما لم يتمكن من معرفته والعلم به ولا فائدة في هذا السؤال وهذا بخلاف امتحانهم في الآخرة فإن الله سبحانه يرسل إليهم رسولا ويأمرهم بطاعته وعقولهم معهم فمن أطاعه منهم نجا ومن عصاه أدخله النار فذلك امتحان بأمر يأمرهم به يفعلونه ذلك الوقت ولا أنه سؤال عن أمر مضى لهم في الدنيا من طاعة أو عصيان كسؤال الملكين في القبر. من شيخ الزيه et ceux qui ont dit qu'ils ne seront pas questionnés dans la tombe, ils ont répondu, ils ont utilisé eux de leur côté comme argument le fait que les questions sont uniquement pour la personne qui a réalisé, qui a conscientisé, qui a réalisé qu'est-ce que c'est le rasoul, qu'est-ce que c'est le messager et qui est celui qui l'a envoyé, ce messager-là. Donc si on demande aux gens qui disent qu'ils vont être questionnés, est-ce qu'il a cru au messager, est-ce qu'il l'a obéi ou non, l'enfant ou la personne qui était inconsciente ou qui était déficiente intellectuellement, est-ce qu'elle a cru au messager et est-ce qu'elle l'a obéi ou non? Après, il dit, en ce qui concerne l'enfant qui n'a pas encore été capable de distinguer quoi que ce soit, est-ce que c'est possible de lui demander qu'est-ce que tu dis au sujet de l'homme qui a été envoyé comme messager parmi vous, hein, à son sujet? Mais ce serait insensé. Le chef a dit, et si il répond, même si Allah lui renvoie lui donne la raison dans sa tombe, la personne qui a perdu la raison, alors si on ne peut pas lui demander excepté ce qu'il est capable de connaître, et il y en a donc quelque chose dont il a un savoir, au sujet duquel il a un savoir, et il n'y a aucune chose bénéfique du fait de lui demander cette question-là. Tandis que les preuves de l'au-delà, hein, ceux qui vont, lorsqu'on va être ressuscité et qu'on va être devant Allah subhanahu wa ta'ala, alors il dit que, alors au sujet de ces gens-là, lorsqu'on va être ressuscité, eh bien là c'est pas pareil, parce que il y a un message, ils auront leur raison, ils auront une raison, ils vont être conscients, et puis Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, va leur envoyer un messager particulier ce jour-là, au jugement dernier, et puis il va leur ordonner de l'obéir. Il va leur ordonner de l'obéir. Et là, ils auront leur raison. Donc, ceux d'entre eux qui vont obéir à ce messager-là, ils vont être sauvés. Et ceux qui auront désobéi à ce messager-là, ils vont les faire entrer dans l'enfer. Et c'est un test qu'il va leur donner à ce moment-là. Et donc, il y a ce ne sera pas basé sur quelque chose qui s'est déjà passé dans cette dunya d'ordre ou de désobéissance, d'obéissance ou de désobéissance, comme par exemple en ce qui concerne le fait d'être questionné par les deux anges dans cette vie. Ça c'est différent les deux. Puis le chef il dit, « وَأَجَابُ عَنْ أَدِلَّةِ الْأَوَّلِينَ » Ils ont répondu en ce qui concerne la question des arguments des premiers, hein, les preuves qu'ils ont mentionnées. Ils ont répondu de la façon suivante. Ils disent, amma hadith Abi Huraira, falaita al-muradu bi'adab al-qabr fihi 'uqubat al-tifl 'ala tark ta'atin aw fi'l ma'siyah qat'an, li'anna Allah la yu'adhibu ahadan bila dhanbin 'amilahu. Bal 'adab al-qabr qad yuradu bihi al-alam alladhi yahsulu lil-mayyit bisabab ghayrih. Wa in lam yakun 'uqubatan 'ala 'amalihi. Wa minhu qawluhu sallallahu 'alayhi wa sallam, إن الميت لن يعذب ببكاء أهله عليه، أي يتألم بذلك ويتوجع منه، لا أنه يعاقب بذنب الحي. Donc un des arguments qu'ils ont donné pour répondre à ceux qui disent que les enfants vont être éprouvés dans la tombe, c'est au sujet du hadith d'Abu Huraira qu'ils ont mentionné. C'est que la signification dans ce hadith-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que, parle du châtiment de la tombe, il dit que ce n'est pas le châtiment de la tombe pour un péché qu'il a fait ou pour une obligation qu'il n'a pas accomplie. Par contre, il dit que c'est le fait que, parce qu'il dit que Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne punit pas quelqu'un qui n'a pas fait de péché. D'accord? Donc l'enfant n'a pas fait péché. Donc le châtiment dont il est question dans ce hadith-là, c'est autre chose. Il dit, il y a des punitions dans la tombe pour et ça signifie la douleur que la personne va recevoir dans sa tombe à cause d'autres que lui. Et il donne l'exemple. Du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit que le mort, il se fait punir, il se fait châtier dans la tombe à cause des pleurs de sa famille. Hein? Quand sa famille pleure pour lui, ça lui fait un châtiment dans sa tombe. Et il dit, le cheikh il explique, il dit, يَتَأَلَّمْ وَيْتَوَجَّعْ بِذَلِكَ يَعْنِي. Donc, il ressent une douleur et ça lui fait mal quand il entend sa famille pleurer pour lui. Et non qu'il se fait punir à cause du péché des autres. D'accord? Donc, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que lorsque, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a un châtiment, c'est pas nécessairement une punition pour une chose, un péché qu'il a fait, ou pour une, une obligation qu'il n'a pas respectée. Mais ça peut être également pour à cause de l'action d'un autre qui lui cause de la douleur ou qui le fait souffrir quelque chose là, durant qu'il est dans sa tombe. Et après le chef dit voilà tazir wa ziratun wudra ukra, comme preuve qu'il n'est pas puni pour le péché d'un autre. C'est le verset dans sourate al-an'am que aucune âme n'aura apporté le poids du péché d'une autre personne. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب فالعذاب أعم من العقوبة. Donc le cheikh il dit le hadith du prophète dans lequel il dit que le voyage c'est une portion du châtiment, hein, une portion du châtiment. Pourquoi? Parce que quand tu voyages il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de difficultés dans le voyage. Donc le prophète a dit que c'est une partie du châtiment. Et le châtiment est plus, la signification du mot châtiment, ou azab en arabe, c'est beaucoup plus large que le mot uquba. Uquba c'est une punition. Tandis que châtiment c'est, ça peut être pour une punition et ça pourrait être pour, aussi pour une douleur simplement. Non. J'ai entendu ça aussi, un hadith qui disait que les enfants des mouchriquins seront des servants des croyants dans le paradis, mais à ce sujet-là, je ne suis pas certain. Parce que, ouais, c'est ça, si tu lis le livre de l'imam Ibn al-Qayyim, Hadi al-Arwah, il a, je pense qu'il a mentionné à cette question-là, une multitude de différentes positions parmi les ulama, puis je pense même pas qu'il a mentionné même Tarjih à cette question-là. Donc il y a différentes positions, mais je suis pas certain. Mais il y en a parmi les positions des ulama qui disent que les enfants des mouchriquins vont rentrer au paradis après être testés au jugement dernier. Il y en a qui nous ont bien répondu à la question du messager, mais à ce sujet-là, comme je te dis, il faut vérifier encore une fois. Puis, Inch'Allah, j'aurai plus d'infos la prochaine fois. Non. Khidr. Non. Non. Oui, il n'était pas un enfant. Ça veut pas dire qu'il était bébé. Pas la même chose quand un enfant meurt quand il est bébé, puis quand il est mort alors qu'il est un garçon assez capable de distinguer ce qui est mal et bien à un certain âge, malgré qu'il n'est pas moukal, tant qu'il n'a pas atteint la puberté, il n'est pas responsable de ses actes. Même s'il est capable de distinguer entre le bien et le mal, mais tant qu'il n'a pas atteint la puberté, il n'est pas responsable de ses actions. D'accord, c'est comme le mouchrik qui n'a pas connu la révélation d'Allah, il n'a pas entendu parler d'aucun messager, et puis qu'il meurt. On les appelle les gens de la fitra. Hein? Mais si ces gens-là, par exemple, ils font des péchés, ils ne vont pas être punis au jugement dernier tant qu'ils n'auront pas reçu un messager. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, « وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا » Tant qu'on n'a pas reçu un messager, tant qu'ils n'auront pas reçu un messager, ils ne seront pas punis. Parce que même s'ils sont capables de distinguer entre le bien et le mal, mais ils ne vont pas être punis tant qu'ils n'ont pas reçu le messager qui leur dit, voici ce que vous allez avoir si vous désobéissez, et voici ce que vous allez avoir si vous obéissez. Hein, pour qu'ils soient en pleine conscience et en pleine connaissance de cause de ce qui les attend s'ils obéissent et s'ils désobéissent. Après, le cheikh il dit نعم ولا ريب أن في القبر من الآلام والهموم والحسرات ما قد يسري أثره على الطفل فيتألم فيشرع للمصلي عليه أن يسأل الله تعالى أن يقيه ذلك العذاب والله أعلم. Donc le chef il dit qu'il n'y a pas de doute que il y a toutes sortes de douleurs et toutes sortes de tristesse et de désespoir qui peuvent atteindre, ou de, disons, de regret qui peuvent atteindre une personne lorsqu'elle est dans sa tombe, et ça peut affecter un enfant, et il peut ressentir de la douleur à cause de ces choses-là. Donc il est demandé aux personnes qui prient de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on prie pour cet enfant, de le protéger de ce châtiment-là. Wallahu a'lam, le chef dit, Wallahu a'lam. Après, il dit, وَاخْتَلَفُوا هَلْ سُؤَالْ فِي الْقَبْرِ عَامٌ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْكُفَّارِ Pardon? Non, il n'est pas dans cette version. Passe-moi là. Ok, وأما أثر عائشة فمع أنه ليس مرفوعا فهو صريح في ضم القبر وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بأنها عامة لكل أحد وهذا بخلاف فتنة القبر فلا يصح قياسها عليها للسارق بل ولأن أمور الغيب لا مجال فيها للقياس. Et après, ça continue. مُخْتَلَفُ هَلْ سُؤَالْ فِي الْقَبْرِ أو كِسْتَ مُخْتَلَفُ Ok, donc ça continue aussi. Donc il dit à propos de l'affaire de Aïcha, qu'il a mentionné, il dit il n'est pas marfo, mais il est clair, il y en a que ça parle du fait que la tombe va l'écraser, hein, l'écrasement dans la tombe, lorsqu'elle se rétrécit. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بأنها عامة لكل أحد. Il y a beaucoup de hadiths qui mentionnent que ça c'est général pour tout le monde. Tout le monde va passer par là. Contrairement à l'épreuve de la tombe. Donc, il dit que c'est pas permis de faire des comparaisons entre ces deux choses-là à cause de la différence qu'il y a entre les deux, parce que on n'a pas le droit de faire des prières dans les choses qui ont rapport avec le rêve, c'est-à-dire qui ont rapport avec l'invisible. On n'a pas le droit de faire des comparaisons entre les choses de l'akhira ou du rêve, sans qu'il y ait une preuve ou un texte clair du Coran et de la Sunna qui montre qu'il y a possibilité de faire comparaison entre les deux. Et c'est bizarre qu'ils n'ont pas mis dans cette version. En tout cas, alhamdulillah, au moins tu étais là. Ouais, c'est ça, peut-être c'est plus correct, n'est-ce pas, ça, c'est, en fait, celle-là, c'est un frère qui m'a donné en Arabie Saoudite. En cadeau. En tout cas, alhamdulillah. Donc, le chef, il dit qu'il y a une différence d'opinion au sujet de la question dans la tombe. Est-ce que c'est général pour tous les musulmans et les hypocrites et les koufars, ou bien est-ce que c'est spécifiquement pour les musulmans et les hypocrites, les munafiqun? Faqila, yakhtassu dhalika bil muslim wal munafiq, dun al kafir, al jahid, al mubtil. Faqila, al su'al, fil qabr, amun lil kafir wal muslim. وهذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة واستثناء الكافر من هذا لا وجه له. Donc le cheikh dit que il y en a qui ont dit que c'est spécifiquement pour le musulman, l'hypocrite, et non pour le mécréant, non pour le kafir. Il dit qu'il y en a d'autres qui ont dit que la question dans la tombe et en général pour le kafir et le musulman. Et il dit que le Coran et la Sunna prouvent ça. Et il dit le fait de faire une exception avec les kuffars, il n'y a pas vraiment rien qui démontre que c'est acceptable de les mettre en exception, ou de dire qu'ils ne seront pas questionnés. Après le cheikh il dit, واختلفوا هل السؤال في القبر مختص بهذه الأمة أو يكون لها ولغيرها على ثلاثة أقوال. Le cheikh il dit qu'il y a trois positions en ce qui concerne est-ce que c'est seulement notre Umma, la Umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vont être questionnés dans la tombe, ou bien c'est également les Ummas, les nations des autres prophètes qui ont vécu avant. Est-ce qu'eux aussi vont être questionnés dans la tombe? Et donc la première position c'est que c'est particulièrement pour cette Umma. La deuxième c'est que c'est pour cette Umma et pour les autres. Et la troisième position c'est de ne pas prendre aucune position. Ar-Rajih, on dirait que c'est la troisième, parce qu'il a dit al-qawl al-thalith at-tawaqquf fi hadhihi al-mas'ala li'anna al-adilla fi dhalika muhtamala wa laysat qati'a fi al-ikhtisas wallahu a'lam. Il dit que le mieux dans cette question là c'est de s'arrêter là, parce que les preuves qui sont mentionnées, les arguments qui sont mentionnés par chacun des deux positions n'ont pas réellement rien pour supporter la particularité qu'il mentionne. Donc c'est plutôt une question de point de vue hein, et de compréhension des preuves. Ouais. Donc on passe maintenant à l'autre question qui est sifat su'al al-malakayn lil-mayyit 'ala ma waradat bihi al-hadith. La description de la du questionnement des deux anges pour la personne qui est morte dans sa tombe, tel que ça a été mentionné dans les hadiths. Le cheikh dit, جَاءَ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُعَادُ رُوحُهُ يعني الميت في جسده ويأتيه ملكان. Donc dans le hadith de Bara ibn Azib qu'on a lu la dernière fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que son âme elle revient dans son corps et que deux anges lui viennent. Okay? Après il dit wa fi sahihayn min hadith Qatada an Anas anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala inna al-mayyita idha wudi'a fi qabrihi tawalla 'anhu ashabuhu إنه لا يسمع خفق نعالهم أتاه ملكان فيقعدان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله قال فيقول انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا قال فأما الكافر والمنافق فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقولان له لا أدري ولا لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها من عليها غير الثقلين. Donc le cheikh il dit que dans le Sahihain, dans Al-Bukhari et Muslim, il y a un hadith rapporté selon Qatada, selon Anas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque le mort est mis dans sa tombe, ses compagnons, ceux qui l'ont enterré, se détourne, il s'en retourne. Et il entend les pas de leurs pieds qui s'éloignent. Et deux anges lui viennent. Et il s'assoit près de lui. Et il lui demande, que disais-tu au sujet de cet homme, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam? Alors ils disent que le croyant va répondre, je témoigne que c'est Abdullah et son messager. Serviteur d'Allah et son messager. Alors, il dit, regarde, à ta chaise, regarde ta position ou ta chaise dans le feu. Allah te l'a échangé contre une place au paradis. Hein? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors il va les voir toutes les deux. Il va voir sa place en enfer et sa place au paradis. Et il dit, en ce qui concerne le kafir et l'hypocrite, le munafiq, ils vont dire, quand on va lui demander au sujet de cet homme, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, je sais pas, j'ai dit ce que tout le monde a dit. Hein? J'ai uniquement dit ce que tout le monde disait. Il a juste répété et copié ce que les gens ont dit sans réellement croire ou comprendre réellement la réalité de la foi. Donc, les deux anges vont lui dire, tu n'as pas su et tu n'as pas récité. C'est-à-dire tu n'as pas lu le Coran ou lu la révélation pour essayer de comprendre ou de connaître quelque chose au sujet de ce messager-là et au sujet d'Allah. Donc, il dit, à partir de ce moment-là, les deux anges vont le frapper avec un genre de marteau en fer entre ses deux oreilles. Et il va crier d'un cri que tout le monde sur la terre va l'entendre, excepté les hommes et les djinns. Ghayr al-Thaqalayn. Et le cheikh dit, « Wa fi hadithin akhar, fi sahih Abi Hatim, أتاه ملكان أسودان أزرقان فيقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. Donc ça c'est dans un autre hadith, il dit dans selon Sahih Abi Hatim, il dit que deux anges lui viennent et ils sont noirs et bleus, ces deux anges, et un s'appelle Munkar et l'autre s'appelle Nakir. Et il mentionne un autre hadith également qui dit « وفي حديث آخر في المسند وصحيح ابن أبي حاتم » C'est une autre version du hadith qu'on a mentionné, excepté que dans cette version-là, on montre que il y a ses bonnes œuvres qui apparaissent. Hein. Sa prière lui apparaît, sa prière lui vient à sa tête, et son jeûne à sa droite, et sa zakat à sa gauche, et les bonnes œuvres qu'il a fait à ses pieds, et là, il lui pose des questions, et etc. Donc, c'est une autre version de ce hadith, mais je ne sais pas si elle est authentique ou Allah ta'ala. Cheikh dit, par hadith, la hadith, wa ma ja'a bi ma'naha, tadullu ala masa'il. Il dit, ces hadiths-là qu'on a mentionné, ils prouvent différentes choses. الأول أن السؤال يحصل حين يوضع الميت في قبره وفي هذا رد على أهل البدع كأبي الهذيل والمريسي القائلين إن السؤال يقع بين النفختين. Donc il dit que parmi les choses qu'on peut comprendre de ces hadiths là que le questionnement se produit lorsque la personne est posée dans la terre, dans sa tombe. Et le cheikh il dit qu'il y a une réputation à ce sujet-là, il y a une réputation des gens de Bid'ah, comme Abu Hudayl et Al-Murrisi, qui disent que la question ou le questionnement se passe entre les deux soufflements de la tombe, du clairon avant l'établissement du jugement dernier. والتسمية الملكين منكر ونكير. On peut tirer de ces hadiths-là également que les deux anges, un s'appelle Munkar et l'autre s'appelle Nakir. وفي هذا رد على من زعم من المعتزلة أنه لا يجوز تسميتهما بذلك. وأول ما ورد في الحديث لأن المراد بالمنكر تلجلجه إذا سئل والنكير تقريع الملائكة له. Donc, il dit qu'il y a une preuve que ces deux anges qui s'appellent Munkar et Nakir, et ça réfute les Mu'tazila qui croient que on n'a pas le droit de les appeler par ces noms-là, et qui essaient d'interpréter le hadith en disant que Munkar, c'est en fait le fait qu'il bégaye quand on lui demande la question, et Nakir, il y a le fait que, je crois, les anges, lorsqu'ils le frappe ou des choses de ce genre. Wallahu a'lam. Il dit, ترد أرواح الميت إليه في قبره حين السؤال ويجلس ويستنطق وفي هذا رد على أبي محمد بن حزم حين نفى ذلك إلا إن كان يريد نفي الحياة المأخوذة في الدنيا فهذا صحيح فإن عاد الروح إلى بدن الميت ليس مثل عودها إليه في هذه الحياة الدنيا وإن كان ذاك قد يكون أكمل من بعد الوجوه كما أن النشأة الأخرى ليست مثل هذه النشأة وإن كانت أكمل منها بل كل موطن في هذه الدار وفي البرزخ والقيامة له حكم يخصه ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يوسع له في قبره ويسأل ونحو ذلك وإن كان التراب قد لا يتغير فالأرواح تعاد إلى البدن إلى بدن الميت وتفارقه. Donc le cheikh il dit qu'il y a dans ce hadith là, dans ces hadiths là qu'on a mentionné, la preuve que les âmes vont retourner dans le corps du mort dans sa tombe lorsqu'il sera questionné et qu'il va s'asseoir et qu'on va le faire parler. Donc il y a une réfutation dans ce hadith là, une réfutation de Muhammad ibn Hazm qui a essayé de nier ça. Et il a essayé de dire que c'était pas vrai. Mais le cheikh il dit que s'il voulait dire par ça, le fait de par cette négation-là, de nier la vie comme elle est dans cette vie présente, il dit que dans ce cas-là c'est vrai parce que la vie dans le barzakh, c'est pas comparable, c'est pas égal ou pareil à la vie dans cette dunya qu'on vit présentement. C'est une autre vie totalement différente. De même que la vie dans l'akhirah, c'est-à-dire après la résurrection, est complètement différente de la vie qu'on vit actuellement et de la vie dans le barzakh. Donc, le cheikh il dit, le fait que l'âme retourne au corps, ou dans le corps du mort, ce n'est pas pareil ou comparable à la vie dans cette dunya. Même si il peut y avoir certains aspects de cette vie-là qui est meilleure ou plus parfaite ou plus complète que certains aspects de la vie dans cette dunya. Comme il dit que la première création, elle n'est pas exactement comme la création dans l'Akhirah. Non, il dit comme Nashat al-Ukhra, la création, comment on va être recréé dans l'autre vie, c'est pas exactement comme on était dans cette vie. Elle est plus parfaite quand on est recréé dans l'au-delà. On va être recréé, mais on va être meilleur ou créé d'une création plus parfaite que notre création qu'on était maintenant, dans cette dunya. Donc il dit qu'il peut y avoir certaines caractéristiques qui sont semblables, mais c'est pas pareil, ces deux vies-là sont différentes. Donc c'est ça que le cheikh il dit. Donc après il parle de ta'alluqat ar-ruh bil-badan. Il dit « وَلِلْرُوحِ بِالْبَدَنْ تَعَلُّقَاتٍ مُخْتَلِفَ إِلَيْكَ بَيَانُهَا لِلْرُوحِ بِالْبَدَنْ خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ مِنَ التَّعَلُّقِ مُتَغَيِّرَةُ الْأَحْكَامِ أَحَدُهُمَا تَعَلُّقُهَا بِهِ فِي بَطْنِ الْأُمْ جَنِينًا وَالثَّانِي تَعَلُّقُهَا بِهِ بَعْدَ خُرُوجِهِ إِلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. Donc il y a différentes relations ou différents aspects entre le corps et l'âme et qui changent selon les différentes situations et les différents états. Et il dit entre le corps et l'âme, il y a cinq différentes choses qui a comme relation entre les deux. Premièrement, il y a la relation de l'âme avec le corps lorsque le bébé est dans le ventre de sa mère. Ensuite, le deuxième, c'est lorsque le bébé sort du ventre de sa mère et qu'il arrive dans cette dunya. Il y a une autre relation entre le corps et l'âme. Ensuite, il dit, ثالث, تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. On sait que lors du sommeil, Allah subhanahu wa ta'ala, il reprend notre âme. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Zumar, Allah yatawaffa al-anfus hina mawtaha والتي لم تمت في منامها فيرسل التي فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. Comme on avait expliqué ça dans le dernier cours, c'est que lorsque la personne meurt, Allah subhanahu wa ta'ala prend son âme, et celui qui n'est pas encore mort, hein, durant son sommeil, il la prend, mais il la remet lorsqu'elle se réveille, jusqu'à un terme bien fixé auparavant, c'est-à-dire lorsque l'heure de sa mort va arriver par la suite. Après, il dit le quatrième, تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة وقد دلت الأحاديث على ردها إليه عند سؤال الملكين وعند السلام المسلم وهذا الرد إعادة خاصة لا تجب حياة البدن قبل يوم القيامة. Donc il dit une autre des relations entre le corps et l'âme, c'est celle qui existe dans Al-Barzakh, lorsque l'âme est séparée du corps, mais elle n'est pas complètement séparée car elle revient lorsque les deux anges viennent pour poser les questions, et elle revient également lorsque quelqu'un te donne le salam, donc durant ce moment-là, comme on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que lorsque quelqu'un m'envoie le salam, Allah sallallahu alayhi wa sallam me remet mon âme pour que je puisse renvoyer le salam moi aussi. Donc, mais il dit que c'est pas, même si l'âme revient dans le corps, ça ne veut pas dire qu'il est vivant, le corps, comme il était dans cette dunya. Et la cinquième relation entre le corps et l'âme dans dans les exemples, c'est ta'alluquha bihi yawm al-ba'th al-ajdad. وهو أكمل تعلقاتها بالبدن لا ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا. Il dit, il y a l'autre relation qui va avoir entre les corps et les âmes, et ça c'est cette relation là qui va avoir après la résurrection, hein, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va nous remettre nos âmes au jugement dernier, et il dit que ça c'est la relation qui a la plus parfaite entre le corps et l'âme, et il n'y a aucune comparaison avec les autres relations qu'il y avait auparavant, car dans cette relation-là qu'il y aura après la résurrection, il n'y aura plus de mort, ni de sommeil, et ni de problèmes ou maladies ou autre genre de façade, comme le chef a expliqué. Donc c'est cinq différentes relations qui existent entre le corps et l'âme à travers les différentes étapes de la vie d'un être humain, à partir du moment où il est dans le ventre de sa mère jusqu'au moment où il sera ressuscité au jugement dernier. Donc on va s'arrêter ici, puis Inch'Allah on va continuer notre date de lundi et on recommence ce livre la semaine prochaine, Inch'Allah. قول قول هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.